Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et Franck Ferrand est dans son élément aujourd'hui puisqu'il nous parle de cirque. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le cirque est en effet pour moi une passion depuis l'enfance. C'est vous dire si je suis heureux et fier cet après-midi de réunir trois grands noms de cet art tellement vivant. Louis Sampion Bouglione de la dynastie éponyme, Frédéric Edelstein, le patron de Pinder que nous aurons au téléphone, et l'un des meilleurs connaisseurs du sujet, auteur d'une magistrale histoire du cirque publiée avec la Bibliothèque nationale de France, Pascal Jacob. Et pour commencer cette émission, Franck, vous allez nous raconter l'incroyable destinée d'une femme dompteuse de fauves. Oui, la fantastique Jeannette MacDonald, à ne pas confondre avec l'actrice américaine du même nom, évidemment. MacDonald qui aura été une des premières à entrer dans la cage au lion et qui aura connu, vous allez le voir, la grandeur et la décadence. Et enfin, vous nous emmènerez visiter la salle et les coulisses du plus beau cirque en dur de France, le fameux Cirque d'hiver de Paris. Aujourd'hui, Cirque d'hiver Bouglione, ouvert rue Amelot dès 1852. Oui, nous avions fait il y a quelques années, ça fait 5 ans déjà, une émission in situ au cirque d'hiver. Nous étions en compagnie de Madame Rosa Bouglione, qui était plus que centenaire à l'époque et évidemment qu'il l'est toujours. Nous en réentendrons un extrait de cette émission tout à l'heure. Se citer soi-même dans une émission, c'est en quelque sorte non seulement un signe de longévité, mais aussi, à mon avis, un signe de constance. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Au Palais des Sports de Marseille. C'est le grand festival du cirque de Marseille. Sous le chapiteau, la douce odeur de la sciure, les rugissements des fauves, les roulements de tambours et puis les lumières avec leur jeu étonnant, des projecteurs qui éclairent tour à tour, des clowns, des jongleurs, des mimes, des contorsionnistes, des magiciens et des trapézistes, et puis les rires et les applaudissements du public. Dans cette atmosphère enchantée, une figure fait son entrée sur la piste. Elle est une des dompteuses les plus en vue de ce moment. Elle s'appelle Jeannette MacDonald. Il faut vous dire qu'elle est d'une beauté éblouissante, digne d'une héroïne d'Hitchcock, si l'on en croit son biographe Joël Faure. Elle porte de grandes bottes noires, vernies, un chemisier à jabot qui met en dentelle, en valeur sa taille de guêpe. Elle porte des gants blancs, ses cheveux sont d'un blond éclatant et surtout, elle a pris soin de ne pas se parfumer parce qu'évidemment, les fauves détestent le parfum. Sous les ovations du public, la belle dompteuse tourne autour des bêtes énormes. Elle entre dans les cages telle une lionne parmi les lionnes, dit la presse de l'époque. Les fauves lui obéissent au doigt et à l'œil. Elle a une certaine élégance, Jeannette MacDonald. Alors évidemment, elle procède à tous les numéros d'usage. Elle place sa tête dans la gueule d'un des lions. Elle échange un baiser langoureux avec un autre sous les yeux médusés du public. Et puis, on la voit un moment se saisir d'une jeune lionne du nom de Lola qu'elle va porter sur ses épaules comme elle porterait une écharpe. Seulement, soudain, dans le public, un cri retentit, la lionne a pris peur, Jeannette la saisit peut-être un peu de travers, en tout cas l'animal va planter violemment ses crocs dans la chair de la main droite de la dompteuse. C'est un moment terrible, bien sûr, Jeannette garde son sang-froid, elle va enrouler un bandage autour de sa main sanguinolente et terminer son numéro quasiment comme si de rien n'était. Et le lendemain, dans le magazine Radar, on pourra lire ces lignes. Les dompteurs sont d'une race où la témérité s'allie à la douceur et à la patience, et le premier geste de la blessée, voyez sa main, a été d'embrasser Lola sur le museau. Comment Jeannette MacDonald en est-elle arrivée à parcourir l'Europe sous les plus grands chapiteaux? Comment cette femme hors du commun est-elle devenue une gloire du cirque? Eh bien, il faut vous dire que pour elle, tout avait commencé au début du siècle, au début de ce 20e siècle, au temps des grands empires coloniaux, dans l'ambiance des ménageries de la belle époque. Tandis qu'on importe en Europe de plus en plus d'animaux sauvages, ce début de siècle marque l'apogée de ces ménageries ambulantes qui peu à peu, alors on les voit souvent en marge des fêtes foraines, vous savez, elles vont bientôt se déplacer seules et devenir un spectacle à part entière. Ce sont les cirques ménageries, comme on dit, et ce sont des cirques dans lesquels l'équestre, tout tout ce qui relevait de l'équitation, et nous en parlerons dans un instant avec Pascal Jacob, a laissé place à l'exotisme. La foule se presse pour découvrir des animaux plus incroyables les uns que les autres. Alors on frissonne devant les fauves, on s'émerveille devant les éléphants, on frémit devant les serpents, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait devant les singes? Ça, je sais pas. Je vous laisse deviner. Si, avec la Première Guerre mondiale, beaucoup de forains ont dû mettre la clé sous la porte, le cirque, désormais, va s'imposer comme une forme populaire. Je cite Pascal Jacob. Rugissement, coups de griffes, morsures, risques, dangers et morts sanglantes intègrent le corpus sensible d'un cirque qui perd peu à peu ses repères de spectacle élitiste pour revêtir une forme populaire rythmée par les mugissements des cuivres et le tonnerre des applaudissements. Les cirques-ménageries doivent pourtant faire face à la concurrence de cette autre entreprise de spectacle qui arrive de l'autre côté de l'Atlantique, c'est les grands cirques à l'américaine comme Barnum & Bailey. On en parle énormément en ce moment et nous aurons l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure, bien entendu. Néanmoins, les ménageries subsistent. C'est le cas de celle de Louis MacDonald, qui se prétend écossais et qui s'est forgé une réputation de grand dompteur. Si sa ménagerie a fait faillite en 14, Louis MacDonald est très demandé sur les foires pour son art du dressage de fauves. Et en 1918, dans sa petite roulotte de Montrouge, au milieu des lionceaux, des chimpanzés et des chiots, naît sa fille, donc, Jeanne, que très vite on va surnommer Jeannette. C'est dans cet univers tellement particulier que l'on voit grandir Jeannette. Elle est plus proche des animaux que des enfants de son âge, disons-le. Dans sa joyeuse famille de saltimbanques, elle mène une enfance dont on peut dire qu'elle est rude. Sa mère décède en 1924. Jeannette a donc 6 ans à ce moment-là. À cet âge-là, donc, elle va pour la première fois entrer avec son père dans une cage au lion. Son père l'a déguisée en petite sauvage et c'est vous dire si elle est l'attraction numéro 1. À 14 ans, elle va entrer seule dans la cage avec un contact incroyable qu'elle entretient avec les félins, un contact qui, pour elle, est quasiment de naissance. C'est ça, en fait, le secret de Jeannette MacDonald. Une complicité évidente s'instaure entre elle et les bêtes. D'ailleurs, elle a l'air clairement de préférer les fauves aux nombreux jeunes hommes qui lui tournent autour. Elle aurait confié un jour à son biographe et ami Joël Faure: « Tu sais, je n'ai jamais aimé danser avec les hommes. » On raconte que le chanteur en vogue, Henri Gara, aurait demandé sa main à son père et que ce dernier aurait répondu « Mais enfin, Jeannette, tu ne vas pas épouser un saltimbanque !» Jeannette préfère les lions et bientôt, donc, elle va devenir une des dresseuses les plus populaires de France et ce, grâce à une rencontre déterminante. De la bande originale du film Sous le plus grand chapiteau du monde, avec entre autres à l'affiche Charlton Heston. Restez avec nous sur Europe 1 cet après-midi. Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire des cirques en France et au cœur du parcours de la dresseuse Jeannette MacDonald. La suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Alors Franck, vous nous racontez cet après-midi le destin extraordinaire et trop peu connu du grand public de Jeannette MacDonald, qui à la veille de la Seconde Guerre mondiale s'apprête à devenir l'une des plus grandes dompteuses de fauves de l'histoire du cirque. Alors à cette époque-là, avant de revenir sur le destin de cette femme, dans les années 1930-1940, quels sont les grands cirques qui existent en Europe et en France ? Mais ce sont des cirques qui sont influencés, je vous disais, par le modèle un peu, mégalomaniaque des cirques américains. américain, oui, voilà, comme le géant Barnum & Bailey, qui a effectué deux grandes tournées. Barnum a fait deux grandes tournées en Europe entre 1897 et 1902. Alors, sur ce modèle vont se développer des cirques comme celui fondé par les frères anglais William et George Pinder au milieu du 19e siècle à Londres, cirque qui vient s'installer en France. Les plus grands cirques européens sont surtout allemands. Je pense au cirque de Karl Hagenbeck, qui est connu dans le monde entier. C'est Karl Hagenbeck qui va justement être l'inventeur de la cage centrale, qui fixe l'attention d'une certaine manière. Les spectacles du cirque Sarrazin également, fondé en Allemagne, vont faire recette. Il y a le cirque Krohn, qu'il ne faut pas oublier, hein, considéré comme le plus grand cirque d'Europe, avec une ménagerie de plus de 800 animaux, ménagerie itinérante. Donc dans ces années 30, tout ça est nouveau. Pour nous, ça paraît très traditionnel, mais dites-vous qu'à l'époque, tout ça, c'est de l'ordre de l'invention. Et en France, c'est l'époque où on voit également naître quelques grands cirques itinérants, par exemple celui des quatre frères Bouglione, Sampion qui est essentiellement dresseur de chevaux, Joseph qui s'occupe des éléphants, Firmin dompteur aussi, et Alexandre qui lui s'occupe plutôt de l'administration du cirque. Il y a une autre fratrie qui commence à faire sa place dans le milieu, on va en parler dans un instant, c'est celle des frères Amar. Alors, vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, tous ces cirques, ces anciennes ménageries, ont connu de grandes difficultés. D'abord, ils ont été privés de leur carburant, forcément. On a tout réquisitionné au moment de la campagne de France. Ensuite, il y a cette loi célèbre d'avril 40 qui interdit aux forains et aux nomades de se déplacer pour des raisons de sécurité en temps de guerre. Mais évidemment, ça rend très difficile la vie des cirques qui se fixent. Quand je dis des cirques, on parle bien des cirques ménageries, là, hein, qui se fixent aux portes de Paris. C'est le cas de Medrano, qui va distribuer des programmes avec au dos le plan des abris du quartier, vous imaginez, ça c'est au moment des bombardements, et puis du côté de la Porte Maillot, le nouveau cirque de Paris qui donc est tenu par les frères Amar. Janet McDonald a fréquenté les frères Amar à l'époque où elle était petite, elle les a vus sur les foires. L'administrateur du nouveau cirque de Paris, c'est le dresseur de fauves Shérif Amar, qui est tombé sous le charme de Janet. Il faut vous dire qu'ils partagent énormément ces deux-là, à commencer par une passion énorme pour les fauves. Et grâce à Shérif, Janet apprend les bases de ce métier de dompteuse. Elle apprend à dresser les grands félins pour la piste. Elle s'initie à différents exercices. Elle monte des numéros. Comme l'explique Pascal Jacob dans son histoire du cirque, il y a deux manières, sinon de dresser les fauves, du moins de présenter leur dressage. Vous avez le dressage dit en férocité, qui favorise plutôt l'affrontement. Il compose des images effrayantes mais efficaces pour amplifier, pour magnifier la puissance humaine sur la sauvagerie bestiale, nous dit Pascal Jacob. Vous savez, on fait jurer les fauves, hein, en leur tendant les instruments, etc., pour évidemment pour donner un peu d'émoi au public. Ça, c'est la méthode qu'utilisait le père de Janet, Louis McDonald. Janet, elle, préfère l'autre méthode qu'on appelle le dressage en douceur, entre guillemets, et qui joue sur une complicité apparente avec les bêtes. On associe là une véritable compréhension du caractère des animaux avec un sens du spectacle. On essaie évidemment d'aller de plus en plus loin dans cette complicité, sur le modèle du grand dresseur Henri Martin qui disait, je cite, « On me suppose à tort des secrets, des moyens extraordinaires. Je m'attache à deviner le caractère de chaque sujet, de chaque animal, à flatter ses passions. Je donne du repos aux paresseux. Je joue avec les joueurs. Je deviens leur ami parce qu'ils craignent de m'avoir pour ennemi. Il ne faut pour obtenir ces résultats qui vous étonnent que du courage, de la force et un bon jugement. » Je serais tenté d'ajouter de la célérité aussi. Il faut une capacité de réaction extraordinaire, un réflexe absolument hors du commun. Le numéro de dressage de Janette a du succès. Le public est fasciné par cette femme dans la cage aux fauves. Tout est là, hein, évidemment. C'est une des premières à faire ça, vous imaginez. Le contraste entre la sauvagerie des animaux et la féminité de cette jeune femme qui a l'air si fragile, qui en réalité n'est pas dénuée d'autorité. Les tenues étudiées de la dompteuse renforcent évidemment cette sensation. Et dans les années 50, on voit Janette parcourir la France et l'Europe avec la troupe. Elle devient en quelque sorte une icône de la féminité du cirque Amar. On la voit sur toutes les affiches, hein, les collectionneurs la connaissent par cœur. En 1955, elle va triompher au Festival international du cirque de Marseille, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, malgré l'incident avec la lionne Lola lors d'une dernière représentation. Ça ne l'empêche pas d'être au programme du cirque Bouglione dès 1956. Elle se produit notamment au cirque d'hiver, hein, le cirque inauguré sous Napoléon III en 1852, on y viendra tout à l'heure. Elle côtoie là les plus grands, la trapéziste Sandrine Bouglione, les clowns Fratellini bien entendu, et on voit partout en grand son nom. D'ailleurs le nom de Jeannette MacDonald sera en lettres de feu sur la façade du cirque d'hiver. C'est la gloire, disons-le. En 1957, elle est aux côtés de Zavatta sur la piste, et avant la représentation, on voit Zavatta en peignoir lui faire le baise-main. Ils sont applaudis dans des chapiteaux de plus en plus grands où les spectateurs viennent maintenant pour eux. Ça, c'est encore une nouveauté. Dans ces années 50 et même encore au début des années 60, les artistes de cirque deviennent des célébrités qui font se déplacer le public. Derrière les paillettes des représentations, le travail est difficile, évidemment. C'est même un travail harassant, il faut bien le dire. Les artistes travaillent toujours, du matin au soir, tôt le matin, tard le soir, lorsqu'ils ne sont pas sur la route, parce qu'on voyage souvent de nuit. Jeannette n'est pas seulement sur le devant de la scène. Entre les représentations, on la voit nettoyer les cages, nourrir les animaux, les soigner, etc. Mais sur la piste, elle oublie son épuisement. Sans doute les applaudissements lui donnent-elles le courage de masquer une fatigue qui est de plus en plus forte. Elle rayonne dans cet exercice tellement particulier. Le 18 mars 1962, c'est la fin de la guerre d'Algérie. Et donc l'Algérie devient indépendante à la faveur des accords d'Évian. Et les frères Amar décident de retourner dans la terre de naissance de leur père, qui était originaire de Kabylie. Ils vont créer le Grand Cirque National Algérien. Et Chérif, vous savez, qui... Docteur, oui. Eh oui. Il persuade Jeannette de devenir gestionnaire de ce cirque. Elle est assez réticente. Elle le sait très bien, une artiste. La gestion n'est pas son fort. Seulement, Chérif insiste. Ça lui tient à cœur, alors elle finit par accepter. Et au milieu des années 60, on va voir Jeannette parcourir ainsi les routes du Maghreb dans les roulottes du Grand Cirque National Algérien. En 1967 survient l'incident qui va être, pour Jeannette MacDonald, le début d'une longue descente aux enfers. Et cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire des cirques en France. Vous pouvez bien sûr, vous le savez, réagir à cette émission comme chaque jour, vos messages sur Twitter avec le hashtag ACDH et puis sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Vous pouvez également poster vos photos si vous avez déjà, par exemple, assisté à une soirée cirque au cirque d'hiver Bouglione, puisque nous irons découvrir les coulisses de ce cirque d'hiver tout à l'heure entre 15h et 15h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et pour cette émission consacrée à l'histoire des cirques en France, vous nous racontez le destin peu banal hein, d'une dresseuse, Jeannette MacDonald, qui a suivi Chérif Amar en Algérie et dans tout le Maghreb, et qui va connaître... le Grand Cirque National Algérien, en fait. Voilà, ça, et elle va connaître un accident grave. Hein. Oui, on est en juin 67, le cirque est à Alger, c'est un cirque nomade, bien entendu, avec toute la vie extraordinaire que ça suppose. Et on a prévu un certain nombre de représentations, deux par jour. Le 19 juin 67, les artistes sont en train de se préparer pour la représentation de matinée, celle de 15h, lorsqu'ils entendent des bruits de pétards qui retentissent autour du chapiteau. C'est l'anniversaire de la naissance du prophète, les enfants s'amusent avec des pétards, et soudain, on ne sait pas exactement comment tout ça s'est passé, mais en tout cas, la toile du chapiteau va prendre feu, des flammes grandissent sous les yeux affolés de la troupe, on entend évidemment des cris, déjà les gradins, une partie des gradins s'embrasent, on voit des camions même qui explosent. Le premier réflexe de Jeannette, c'est de courir vers ses bêtes, et dans un courage mêlé de panique, elle les emmène le plus loin possible des flammes, ce qui va permettre de sauver une partie des animaux. Mais le cirque, lui, est détruit par l'incendie. incendie et pour Jeannette, c'est un véritable basculement. Elle était dans un moment de gloire encore et là, tout devient difficile. La troupe ne parviendra pas à remonter la pente. Au Maroc, à Casablanca, on va monter un nouveau spectacle avec les moyens du bord, avec ce qui reste après cet incendie terrible. Mais la compagnie va se mettre à perdre beaucoup d'argent et dans ce contexte, Chérif et Jeannette se sont séparés. En 69, on la voit, elle, rentrer en France avec ses animaux, bien entendu. Elle ne s'en séparerait pour rien au monde. Elle arrive à Bordeaux, Jeannette, elle a 51 ans. Pas d'argent pour subsister. On la voit à l'époque faire carrément la terrasse des bars avec un petit singe sur l'épaule auquel elle a appris à faire le salut militaire, vous voyez, pour gagner comme ça un petit peu d'argent. Et on est dans cette période très difficile pour le cirque des années 1970. Elle va être accueillie dans un zoo de la banlieue de Toulouse, en forêt de Buzet. Le directeur va lui-même demander de faire des attractions, si vous voulez, et elle va devenir elle-même l'argument de vente de ce zoo. Elle est un peu la dame du zoo, comme on l'appelle. Elle vit dans sa propre caravane, hein, qu'elle appelle la caisse à savon. Et sa vie n'en est pas moins très difficile. C'est elle qui fait tout. Quand je parlais de nettoyer les cages, là, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus rien. Elle se débrouille. Il faut nourrir les animaux, que ça veut dire couper des morceaux de viande importants, etc. Puis on est dans cette époque où, dans la foulée de Brigitte Bardot, un certain nombre de personnes commencent à s'attaquer beaucoup à la présence d'animaux dans les cirques. C'est vraiment une période très difficile pour elle. On sait qu'un certain nombre de personnes se sont montrées très généreux avec Jeannette McDonald, lui ont offert de quoi nourrir ses animaux sans rien demander en retour, etc. Et c'est grâce à ça qu'elle a survécu. En 1980, le cirque Bouglione fait une tournée dans toute la France, fait un arrêt à Toulouse. Quelques années plus tôt, en 73, il faut vous dire que le cirque Amar avait changé d'enseigne, n'est-ce pas ? Était devenu Bouglione. Et les Bouglione s'arrêtent donc chez Jeannette, vont l'inviter à assister à un certain nombre de représentations. Elle a 62 ans à cette époque-là. On va se cotiser un peu pour l'aider. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui vont aider Jeannette McDonald. Et puis, en 1987, cette fois, sous le chapiteau du cirque Pinder, Jeannette est reçue par Gilbert Edelstein. Et ça va être la dernière fois pour elle, la dernière fois qu'elle se produit en public devant plus d'un millier de personnes qui acclament cette dame de 70 ans au destin brisé. Peut-être que dans les applaudissements de cette soirée-là, elle a reconnu tous ceux qui avaient accompagné son parcours de gloire à la grande époque. En 1996, son zoo ayant fini par fermer, Jeannette sera placée dans une maison de retraite, ce qui pour elle est une punition. Elle était née dans une caravane, elle avait bien l'intention de mourir de même. Alors, on va assister à cette chose tellement poignante, on va voir Jeannette organiser sa fugue et elle s'enfuit de sa maison de retraite. Oh, pas bien loin, pas bien longtemps, on la renvoie bientôt dans une de ces maisons qu'elle déteste. Et le 1er mai 1999, elle va s'éteindre avec, dit-on, un lion en peluche serré sur son cœur. Bonjour Pascal Jacob, merci d'être avec nous. Nous allons dans un instant évoquer non seulement Jeannette McDonald, mais toute la grande histoire du cirque. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Extrait du morceau Les Clowns, composé par Nino Rota, ce chef d'orchestre italien qui avait notamment composé les musiques de films de Fellini. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire des cirques en France. Avec votre invité, Franck Ferrand, vous recevez Pascal Jacob. Il est historien du cirque et il vient de publier une histoire du cirque aux éditions du Seuil avec des illustrations de la Bibliothèque nationale de France. Et vous avez participé, Pascal Jacob, à un documentaire que diffusera Arte le 4 février prochain sur Jeannette McDonald. Justement, c'est une des rares femmes, en tout cas à l'époque, à avoir dompté des fauves. On en a vu un certain nombre depuis, bien sûr. Oui, mais même un peu avant. Elle est dans une logique de génération. On pense à Claire Elio, à Tilly Bébé, qui sont des grandes stars, notamment en Europe centrale. Et puis après, elle ouvre la voie à Catherine Blancard, Yvonne Berman, etc. Qu'est-ce qui faisait sa particularité à elle ? Je pense qu'elle avait un lien, on pourrait se dire ça évidemment de nombreux dresseurs et dresseuses, mais elle devait avoir un lien particulier avec les bêtes. Quoi. Elle devait avoir un truc. L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, je pense que c'est la femme qui murmure à l'oreille des lions. Alors nous allons avoir en ligne quelqu'un qui murmure aussi très bien à l'oreille des grands fauves. Il se trouve que la dernière représentation en public de Jeanette MacDonald a eu lieu en 1987 sous le chapiteau du cirque Pinder. C'était Monsieur Edelstein, nouveau propriétaire du cirque qui l'avait à l'époque invité. Eh bien, son fils est avec nous au téléphone. Bonjour Frédéric Edelstein. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, il faut dire que la représentation du Cirque Pinder va commencer là dans 27 minutes et que vous nous faites l'amitié d'être avec nous au téléphone. Vous allez bientôt entrer vous-même dans la cage aux fauves, là, si je comprends Exactement, bien. Exactement, avec mes 12 jeunes lions blancs. Et je suis très, très heureux de pouvoir évoquer en votre compagnie Jeanette MacDonald. Vous l'avez connue, vous, bien sûr. Bien évidemment, je l'ai rencontrée donc grâce à mon père qui l'a invitée lorsque nous étions à Toulouse. Oui. Elle a été le dernier spectacle, le dernier numéro que j'ai présenté, auquel elle a pu assister et qu'elle a pu voir. Et ce qui est assez étrange lorsque je vous entends évoquer son histoire, c'est que je trouve que j'ai avec cette vieille dame, lorsque je l'ai rencontrée, je trouve que j'ai énormément de ressemblances avec elle. Le fameux dressage en douceur. Déjà, il y a le dressage en douceur, mais il y a aussi toute cette histoire. Vous dites qu'elle est rentrée dans la cage à 14 ans, c'est ce que j'ai fait moi en cachette. alors que mes parents, et en particulier mon père, ont tout fait pour me dérouter du numéro avec les fauves, qui est bien évidemment, vous vous en doutez, pour numéro... Pour mes parents, c'est ce qu'il y a de pire, évidemment, oui, bien sûr. Bien sûr. Et tout un tas de ressemblances qui font aussi que je me rends compte que lorsque j'étais adolescent, lorsque j'étais plus jeune, puisque déjà à l'âge de 6-7 ans, je tournais autour des ménageries, je tournais autour des fauves avec Wolfgang Holzmeyer, qui a été un des plus grands monteurs du siècle, et qui m'avait mis d'ailleurs dans la tête l'idée de présenter 20 tigres et lions, puisque lui en présentait 20 lions avec un lion. Et quand j'entends toute cette histoire, je me rends compte que Jeanette MacDonald, elle a eu une adolescence à proximité de ces fauves, et moi qui ai grandi avec la plupart de mes tigres que j'ai élevés dans ma caravane avec moi, qui dormaient avec moi, j'avais pour autant pas très souvent de petites amies avec moi. Ceux qui vivaient avec moi, c'était ou mes tigres ou mes lions. On imagine qu'une relation, oui, une relation particulièrement forte s'établit avec les grands fauves, hein, lorsqu'on vit avec eux. Il n'y a non seulement pas de secret à avoir, je veux dire, tout s'obtient avec le respect, avec cette complicité qu'on arrive à obtenir avec l'animal. Mais si vous ne passez pas du temps avec une bête pour comprendre son caractère, même une bête qui peut être agressive et méchante, vous pouvez arriver à contourner cette agression tout en la comprenant, parce que chacun a son caractère. Très souvent, et surtout en 2017, je le dis bien, tout s'obtient avec la complicité et l'amour réciproque entre l'homme et le dresseur. On peut dire qu'elle passait, elle, sa vie avec les fauves, littéralement. Elle l'a fait même après, même en sortant de piste, hein, lorsqu'elle était dans ce zoo de Buzet. Mais bien évidemment, et tout comme moi, et je ne vois pas ma vie autrement, je veux dire, vous ne m'enlèverez jamais ça de mon corps, de ma chair et de ma vie. J'entends... Mon père a essayé de m'en dérouter par tous les moyens possibles en me faisant, comme elle, nettoyer les cages sans avoir forcément le personnel requis pour pouvoir justement nettoyer les enclos extérieurs. C'est moi qui le faisais pour essayer en quelque sorte de m'en dérouter, mais il n'y est jamais arrivé. J'aime ça plus que tout. Et on ne m'enlèvera jamais ça de on ma entend, personnalité et de cet amour que j'ai pour les animaux en général. Dans cette déclaration que vous faites, on entend une forme d'urgence. Et ce qu'il faut préciser, c'est que cette émission se déroule dans un contexte particulier, puisqu'on vient d'apprendre qu'après 146 ans de représentation ininterrompue, le plus grand et le plus célèbre cirque du monde, le célèbre cirque Barnum, va fermer ses portes et il donnera sa dernière représentation le 7 mai prochain à Rhode Island. Le spectacle s'appellera Out of This World, tout est dit. C'est une page de l'histoire du cirque qui se tourne, Frédéric Edelstein. J'espère qu'elle ne va pas se tourner, que la famille Feld, qui sont les propriétaires et les dirigeants du plus grand cirque du monde, comme on le dit, le plus grand spectacle qu'il y a sur la Terre, The Greatest Show on the Earth, le plus grand spectacle de cirque qui existe, dont se sont, à vrai dire, plus ou moins tous inspirés, tous les cirques d'Europe et du monde entier. Barnum, je le dis très souvent, c'est justement ce cirque avec les animaux, et ce qui en a fait sa réputation, c'est en particulier les éléphants. Comme chez Pinder. Pinder, les éléphants ont toujours été l'image de marque de Pinder. Il y a un modèle Barnum chez Pinder. Vous avez suivi ce modèle? Mais bien évidemment. complètement. Je veux dire, Barnum et ce cirque, quand vous voyez encore, puisqu'il passe très souvent ce film mythique sous le plus grand chapiteau du monde avec Charlton Heston et James Stewart qui joue le rôle du clown patoche, nous avons en 2017 encore ici au Cirque Pinderre Jean-Richard la même vie, la même complicité, si vous voulez, le même rapport humain entre les artistes, le personnel, de tous être solidaires, comme sur un bateau, comme sur un navire, avec le capitaine, le directeur, puisque en plus j'ai la chance d'en être maintenant le dirigeant itinérant, où tout le monde s'entraide, et puis où vous avez cette force incroyable de l'itinérance. Alors la différence fait que Pinderre, lui, se déplace par la route, alors qu'aux États-Unis, ils se sont déplacés pendant très très longtemps avec le train, bien que sur la fin, ils se déplaçaient aussi un petit peu par la route. Oui, bien sûr. Mais, oui. Mais c'est resté exactement la même chose. Et je crois que tous les spectacles de cirque et tous les cirques itinérants du monde se sont inspirés de Barnum. Et moi, j'ai une idole qui était l'une de mes meilleures idoles, c'était la vedette de chez Barnum aux États-Unis, qui était le dresseur des éléphants, des tigres, des lions, de la cavalerie et de tous les animaux. Évidemment, c'est Gunther Gebel. Gunther, oui, bien sûr. Voilà, que j'ai, à vrai dire, pour vous dire vraiment la vérité, que j'ai copié de A jusqu'à Z pour son allure, pour sa ressemblance avec ses costumes, avec les paillettes et les strass. Et n'oubliez pas, je le dis vraiment maintenant, en 2017, que c'est ce qui plaît encore au public. Si vous ne faites pas rêver les gens et si vous partez sur une autre route d'un spectacle de cirque qui n'est plus du cirque et où il n'y a plus d'animaux, ce n'est plus du cirque. Et là où je trouve que c'est très triste, c'est que si la famille Feld a peut-être justement, j'espère momentanément, j'espère qu'ils vont pouvoir rebondir, a décidé de stopper le cirque Barnum avec leurs deux unités, l'unité bleue, l'unité rouge et même l'unité gold, ce qui a tourné pendant un moment que j'ai vu il y a encore pas très longtemps lorsqu'ils étaient à Coney Island à côté de New York. Oui. Je pense que déjà, c'est parce que comme en Europe et comme Pinderre à l'heure actuelle, il y a un véritable problème de coût de charge qui plombe un cirque, parce que n'oubliez pas, un cirque itinérant, c'est une entreprise de transport. Oui, il y a les coûts et puis il y a le... Bien sûr, et puis... c'est une grosse entreprise de transport avec une quarantaine de convois, camions, caravanes et 33 gros semi-remorques. C'est 147 personnes itinérantes. C'est une grosse entreprise de montage et de levage où vous avez à nourrir plus d'une centaine d'animaux et donc 147 personnes itinérantes. C'est une grosse entreprise de spectacle qui, au quotidien, coûte à mon père, qui est le PDG, 30 000 euros de frais par jour. Donc ça, c'est un coût. Barnum s'est multiplié par deux ou par trois, plus les unités. Merci. Et ce qui nous fait vivre en 2017, à l'heure actuelle, ce sont les animaux. Sur 15 millions de spectateurs qui viennent voir un spectacle de cirque en France, n'oubliez jamais que vous en avez 14 millions qui viennent voir un spectacle de cirque traditionnel où sont présents les animaux. Le seul million qui reste, et ce sont des cirques qui, à vrai dire, se sont appropriés le terme cirque, mais qui ne sont plus... Ouais, ça c'est tout un débat et c'est votre point de vue, Frédéric Adelstein. Mais justement, on va en parler avec mes autres invités dans un instant. On va revenir sur toute l'histoire de ce cirque. Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre passion et de nous l'avoir communiqué. Je vous laisse vous concentrer pour rentrer dans la cage dans quelques minutes maintenant. Merci. Merci à vous. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes jusqu'à 15h30 aujourd'hui sous le chapiteau, puisque nous retraçons avec vous et avec vos invités, Franck Ferrand, l'histoire du cirque. Vous recevez cet après-midi Pascal Jacob, il est historien du cirque et il vient de publier le très beau « Une histoire du cirque » paru au Seuil avec de magnifiques illustrations de la Bibliothèque nationale de France. Oui, et un peu comme Frédéric Adelstein, Francesco Buglione déclarait il y a quelques minutes, c'est une page de l'histoire du cirque mondial qui se tourne à propos de la fermeture annoncée de Barnum, c'est ce que vous pensez, Pascal Jacob ? Ben oui, parce qu'on a évoqué à l'instant sous le plus grand chapiteau du monde, donc c'est un film mythique que nous avons tous vu et revu. Et puis moi, pour ma part, c'est triste parce que j'ai travaillé à trois reprises pour ce cirque géant et que voilà, c'est une petite partie de ma vie qui s'en va aussi. Alors il faut croire peut-être, comme Frédéric Adelstein, qu'il y aura un repreneur peut-être ou que la famille Feld... aura finalement... Il y aura des avatars du cirque Barnum. Ben, de cette façon. Taille-là, c'est pas évident. De cette taille-là, ça paraît peu probable. C'est vraiment peu probable. Mais en revanche, peut-être que les Feld auront quelques états d'âme et peut-être qu'ils reviendront sur leurs décisions. Ce qu'il y a de magnifique dans votre ouvrage, c'est, parce qu'on n'en parle quasiment jamais, tout le début sur les origines du cirque, ceux dans, comment dire, les différentes traditions, d'ailleurs très complémentaires, dans lesquelles ce type de spectacle puise ses racines. Alors, ce que je vous propose, c'est de ne pas remonter à l'Antiquité, il y aurait tellement de choses à faire, c'est de revenir aux origines du cirque moderne, du cirque tel que nous le connaissons, avec sa piste. D'ailleurs, pourquoi cette piste d'un diamètre de 13,50 m quel est le... La raison la plus crédible, c'est le diamètre qui est initié par la longueur du fouet, des mètres écuyers, 6,50 m, 6,50 m de longueur, donc de rayon, 13 mètres de diamètre. Mais ça correspond aussi parfaitement à un certain nombre de volts pour les chevaux, donc pour se tenir debout. Finalement, 13 mètres de diamètre, c'est l'idéal. J'espérais que vous alliez me faire cette réponse, parce que, évidemment, vous soulignez tout de suite la dimension équestre du premier cirque du XVIIIe siècle, en fait. Équestre et universel, parce que cette fameuse piste faite pour les chevaux, elle perdure encore aujourd'hui. Tous les cirques stables du monde, et tout à l'heure, vous avez évoqué le cirque d'hiver, vous avez dit le plus beau cirque de France, mais non, c'est le plus beau cirque en dur de France, non, c'est le plus beau cirque en dur du monde. Du monde, du monde. Alors, et donc là, il y a une piste aussi qui est pratiquement à quelques centimètres près de 13 mètres de diamètre. Je pense qu'il y aura une question à poser d'ailleurs, quelque chose à inventorier, parce que les pistes font 12,50 mètres ou 13,50 mètres, comme si on avait peur de faire les 13 mètres purs et durs. Est-ce qu'il y a un petit caractère superstitieux dans cette histoire ? Ah oui, ça c'est possible. Parce que finalement, on arrive un peu en dessous ou un peu au-dessus, donc on n'est pas tout à fait au diamètre. On cite toujours dans les articles qui veulent faire une sorte de rétrospective, qui veulent revenir aux origines du cirque, on cite toujours Philippe Asselet. Est-ce qu'on a raison ? On a raison et on a tort en fait, parce que l'histoire est toujours avide de lauréats, et elle est avide et elle est avare en même temps. Asselet n'est pas le premier, il est le premier à durer. Il n'est pas sans doute le premier à imaginer cette forme équestre, même composite, parce qu'on sait que Volton, par exemple, quelques années auparavant, avait déjà intégré à des exercices équestres, des acrobates, des danseurs de cordes. Donc Asselet n'est pas vraiment le premier. En revanche, tous les autres ont disparu au bout de quelques mois, alors qu'Asselet, lui, il a duré. Il a inscrit son idée. C'est le secret, ça, pour entrer dans les livres d'histoire. Il faut durer. Sans aucun doute, oui. Je crois qu'il a eu cette espèce d'omniscience, de présence d'esprit, de se dire que il fallait aller plus loin, et au fur et à mesure de ses tentatives, souvent couronnées de succès, il a formalisé un espace, il l'a clôturé, il l'a couvert, et il a été à l'origine du premier cirque stable, et puis voilà, puis l'histoire lui a donné raison, évidemment. Le public de ces premiers cirques, on va dire jusqu'au tournant du XXe siècle, est un public assez différent du public de cirque tel qu'on l'imagine. C'est un public assez mondain, en vérité. En fait, je pense qu'Asselet a été populaire pendant quelques semaines, jusqu'à ce qu'il ait la possibilité de clôturer son espace, et à partir de là, il a pu demander de l'argent, voilà. Il a pu demander un péage, entre guillemets. Et c'est étonnant d'ailleurs, parce que les places de troisième catégorie, donc des places plutôt accessibles, sont apparues justement lors de la construction du cirque Napoléon en 1852. Donc entre Asselet et le cirque Napoléon, le cirque d'hiver actuel, eh bien on a effectivement un public plutôt élitiste, plutôt aristocrate, plutôt de grande bourgeoisie, qui se reconnaît bien, parce qu'elle possède des chevaux, dans le modèle équestre justement mis en valeur par Asselet. Voilà, et qui s'amuse à voir évoluer ses chevaux jusqu'aux limites extrêmes de ce qu'on appelait la haute école, en fait. Hein, oui, on a dépassé même, en fait. L'élégance, et puis surtout quand on possède un cheval soi-même, mais qu'on n'est pas capable de se tenir debout dessus, c'est fascinant de voir des hommes et des femmes qui peuvent, eux, le faire. Donc il y a un effet de miroir, à mon avis, très important. Et puis, de projection, sans doute. De projection, oui. Et puis effectivement, comme vous le dites, la haute école, les écuyères notamment, qui règnent sur une grande partie du XIXe siècle. Alors, nous allons revenir sur les écuyères, sur les animaux, sur les fameuses ménageries, pour parler de Jeannette MacDonald, qui vont voir le jour au tournant du XXe siècle, enfin à la fin du XIXe, disons, et qui vont donner au cirque une tout autre physionomie. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous parlons de cirque cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité Pascal Jacob, historien du cirque, et puis Louis Sampion-Bouglione qui nous a rejoint. Il est directeur de la communication du musée du cirque d'hiver et c'est le fils du maître de voltige équestre, Émilien Bouglione. Bonjour Sampion-Bouglione, merci d'être avec nous. Nous avons fait déjà plusieurs émissions et notamment une sur place là-bas au cirque d'hiver. Nous allons dans quelques instants le visiter, ce cirque d'hiver. J'aimerais juste un mot de réaction de votre part à la fermeture annoncée du Grand Cirque Barnum, grand cirque américain. C'est triste, comme vous le disiez tout à l'heure. Je pense que là, c'est vraiment une résolution financière. Je pense que les courbes sont tombées depuis. C'est-à-dire qu'en fait, la communication du cirque et les médias d'ailleurs font porter la responsabilité aux associations de lutte contre la présence d'animaux dans les cirques et notamment d'éléphants. Mais vous dites que les vraies raisons sont plus profondes, en fait. Oui, c'est vraiment une résolution financière. Les courbes chutent depuis pas mal de temps chez Barnum. Ils ont décidé d'arrêter récemment. Donc on va voir la suite. On va voir s'ils vont repartir. On ne sait pas trop encore. Je suis dégoûté par votre manque d'objectivité, me dit Florence par Facebook. Arrêtez de faire l'apologie des cirques avec animaux, c'est un scandale. Le dressage par la douceur ne fonctionne pas, et surtout pas pour les éléphants. Alors bon, on connaît ce débat interminable à chaque fois qu'on parle soit de cirque, soit de corrida, etc. C'est un peu le même genre de réaction, c'est normal. Vous qui êtes vice-président du Festival mondial du cirque de demain, un festival où il n'y a pas d'animaux, justement, Pascal Jacob, que pensez-vous de cette question ? Ah, c'est une question, c'est trop compliqué pour le résoudre en quelques secondes. Je pense que il y a des enjeux de vie qui sont très très importants et voilà, c'est à la fois un problème de société, de culture et je pense qu'on peut difficilement le résoudre aussi simplement qu'on voudrait bien le croire. En tout cas, je vous avoue que lorsqu'on aime tous les cirques, avec animaux et sans animaux, le cirque ancien et moderne, traditionnel ou contemporain, on est toujours un peu étonné par ces violents affrontements. Vous les ressentez notamment dans les tournées du cirque Bouglione, Sampion Bouglione ? Oui, tout à fait, on est souvent harcelés, les associations viennent manifester devant le cirque, ils prennent souvent à partie le public, font pleurer les enfants, c'est assez infernal. J'espère qu'on va trouver des solutions. Mais ce sont des extrémistes. Enfin, il y a une frange d'extrémistes, puis il y a aussi des gens qui ont, oui, leur point de vue, oui. Bien sûr. Ah oui, alors, oui, revenons peut-être à notre histoire du cirque. Arrive vers la fin du 19e siècle, alors que les grands cirques sont jusqu'alors équestres, c'est ce que vous nous expliquiez. Il y a encore d'ailleurs de grands cirques équestres. On a les Grusses en France, oui, par exemple. C'est, hein, un peu le conservatoire, l'ultime, oui, port-flambeau de cette tradition équestre, oui. Il y a les Russes aussi qui ont gardé une certaine... Oui, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Enfin, de moins en moins. Il n'y en a plus beaucoup. Mmh. Il y a eu la magnifique Gonka qui était un cirque équestre, mais malheureusement, elle n'existe plus. Apparaissent donc ces ménageries qui, au départ, ne sont pas des cirques, il faut dire. Non, absolument. Ce sont des zoos ambulants. Oui, c'est ça. C'est des collections d'animaux qui sont promenés dans des voitures et qui constituent un spectacle à elles toutes seules. Et là, les Bouglione vont jouer un rôle, d'ailleurs, puisqu'ils font partie de ceux qui, parmi les premiers, vont organiser dans les cages de ces zoos itinérants des spectacles. Au départ, les spectacles ont lieu dans les cages elles-mêmes. Il n'y a pas encore de piste. Il y a ce qu'on appelle une cage théâtre, voilà, qui est une sorte de cage centrale avant la lettre, mais qui est encadrée par des rangées de voitures et dans lesquelles se trouvent les animaux. C'est évidemment, c'est une révolution complète. Et là, pour le coup, ça redonne au cirque une dimension pleinement populaire. C'est-à-dire quand la ménagerie va mourir de sa belle mort à peu près après la première guerre mondiale, les cirques vont annexer ou récupérer cette dimension exotique et l'intégrer à leur représentation. Est-ce qu'on verra le cirque, en quelque sorte, se caler à ce moment-là sur un modèle américain, justement ? Notamment la double tournée de Barnum au tournant du siècle va avoir tendance à... Oui, elle y est pour beaucoup. Oui. Les cirques le cirque a toujours aimé l'exotisme et la curiosité. Donc, il y a à la fois l'influence du modèle américain, effectivement. Il y a aussi l'influence du modèle allemand qui a été tout à fait déterminant, et Barnum & Bailey, avec la tournée de 5 ans à travers l'Europe, va donner des envies, bien sûr. Donc, ce qu'on a tendance à oublier, ce sont ces espèces de super productions, ces grands spectacles dans les hippodromes, comme on les appelait, où l'on voit essentiellement des chevaux, quelques numéros de dressage et notamment des éléphants, et puis du trapèze, faut pas l'oublier, hein, les grands numéros de volant. Les hippodromes, effectivement, c'est une histoire un tout petit peu parallèle, mais on se souvient sans doute, ça nous permettra de faire le lien avec la pantomime Néron, c'est ça, à l'hippodrome de l'Alma, où là, en quelques secondes, on pouvait faire surgir des grilles et donc des fauves entrer dans l'arène avec des faux chrétiens accroché à des croix qui étaient déchiffrées en direct. Il y a eu aussi de très grands spectacles dont nous allons parler dans un instant au Cirque d'hiver de Paris. Il ne faut pas oublier l'importance de ces cirques en dur, hein, de ces cirques qui, dans beaucoup de villes, alors aujourd'hui il n'y en a plus qu'à Paris en France, mais il y a encore les bâtiments dans plusieurs villes, mais il n'y a plus de spectacles de cirque. Il y en a 7 encore. Il y en a 7, mais ces cirques ont joué un rôle très important dans, on va dire, dans toute la première moitié du XXe siècle. Nous y venons dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h30, nous continuons de parler de l'histoire des cirques de France. Alors nous avons, avec la Ferrand Mobile, traversé Paris et nous sommes garés voilà, dans le 11e arrondissement, du 8e au 11e. Nous nous sommes garés effectivement devant le cirque d'hiver. Dans Paris, depuis la fermeture des voies sur berge, ça peut être beaucoup plus long que d'aller à l'autre bout de la France. On est parti hier soir, effectivement, pour aller dans le 11e, devant ce cirque d'hiver Bouglione que nous allons visiter avec vous, Franck Ferrand, et avec vos invités, Pascal Jacob, historien du cirque, et Louis Sampion, Bouglione. Et vous le savez, jusqu'à 15h30, vous pouvez réagir à cette émission. Vous pouvez poster des photos, des souvenirs de cirque. N'hésitez pas sur la page Facebook Au cœur de l'histoire et sur Twitter avec le hashtag ACDH. Et vous êtes nombreux à nous laisser des messages. Deux souvenirs, nous dit Sylvie. Le cirque Rincy qui passait tous les ans à Rouen, que j'ai vu de nombreuses reprises, et la piste aux étoiles, évidemment, à la télé dans mon enfance, que nous regardions en famille. Une émission qui a fait beaucoup pour rendre le cirque très populaire, mais qui lui a aussi fait concurrence à une époque. En tout cas, c'est ce qu'on a dit. Frédéric nous dit « Merci de rendre justice et honneur à Jeannette. Ce fut mon premier et unique contact avec des lionceaux qui vivaient dans sa caravane et son zoo, entre guillemets, à Buzet-sur-Tarn, une grande dame. » Et Quentin nous dit « Le cirque est sûrement la plus belle preuve de l'amour entre les animaux et les humains. » À mon avis, Quentin n'est pas le meilleur ami de Florence. Il ajoute « Bouglione, le temple du cirque » avec 4 points d'exclamation. De quoi vous faire plaisir, avec évidemment. Une très belle photo sur Twitter. Alors justement, moi je suis en arrêt devant une des très belles illustrations de ce livre de Pascal Jacob. C'est une lithographie qui provient du fonds de la Bibliothèque nationale de France en provenance de l'Arsenal, et ça représente un relevé en coupe du cirque d'Otto à Berlin en couleur absolument sublime, Pascal Jacob. Ah oui, c'est magnifique, mais le cirque Napoléon n'est pas mal non plus. Ah bah oui quand même, on peut être fier malgré tout de ce monument à Paris. Alors vous me disiez pendant l'interruption et pendant le flash que des cirques en dur, des cirques d'hiver qui proposent des spectacles de cirque, il y en a plusieurs en France. Alors là, mea culpa, pardon, je ne le savais pas, figurez-vous. Il y a encore 7 bâtiments qui tiennent debout. Oui, alors ça, bien sûr. Peut-être 8, si le dernier, qui était un marché, on sait qu'il reste la carcasse, en fait, se transformait à nouveau en cirque. À quel endroit, pardon ? À Valenciennes. À Valenciennes, oui. Et donc, le cirque de Reims, le cirque de Châlons en Champagne, le cirque d'Amiens, évidemment, le cirque Jules Verne. Magnifique, le cirque, oui. Le cirque Théâtre d'Elbeuf, qui est un endroit absolument magnifique, moitié théâtre, moitié cirque. Le cirque de Troyes, qui est plutôt un théâtre, l'hippodrome de Douai, qui est également un théâtre. Tous ces lieux ont des saisons et proposent des spectacles de cirque très très régulièrement. Donc il y a encore une activité sous ces coupoles. Nous à Paris, au Rond-Point, un ancien cirque d'été qui a été patinoire entre-temps. Le vrai cirque d'été, il était sur le carré Marigny. L'autre côté. Mais le théâtre du Rond-Point, comme le théâtre Marigny d'ailleurs, ont des allures de cirque. C'est ça. C'était des panoramas. C'est ça. Donc c'était des spectacles fixes, si l'on peut dire. Voilà, on peignait, c'est absolument magnifique. On peignait un décor et on avait une sorte de plateforme au milieu avec des longues vues et le public suivait et détaillait à l'intérieur de cette petite plateforme les différentes étapes. Parmi les belles illustrations que vous proposez, il y a celle de l'amphithéâtre Astley de Londres. On a parlé de Philippe Astley. Un nom qu'on n'a peut-être pas cité, je ne me rappelle pas, c'est Franconi, bien sûr. Ah oui, Franconi à Paris, évidemment, qui est le véritable activateur du cirque en France. Alors, le cirque Napoléon, comme on l'appelait, le cirque d'hiver de Paris devenu cirque d'hiver Bouglione, a maintenant plus de 150 ans d'existence et il est toujours aussi rayonnant, Sampion Bouglione. C'est un peu, un de nos auditeurs disait, Quentin, c'est le temple du cirque. C'est vrai qu'il y a un peu cet aspect. Tout à l'heure, Pascal Jacob nous disait, c'est le plus beau cirque du monde. Effectivement, oui, c'est le plus beau cirque du monde. On est fiers, ma famille est fière de de pouvoir entretenir ce lieu, ce bâtiment. On est fiers d'y travailler. C'est quelque chose d'incroyable de pouvoir se réveiller tous les jours à l'intérieur et d'y travailler. Alors, il y a quelques années, j'avais eu la chance d'interviewer Rosa Buglione, qui est ma grand-mère, qui est non oui. seulement votre grand-mère, mais la doyenne du cirque français, et qui nous racontait dans quelles conditions votre famille est arrivée au cirque d'hiver. Ça ne manque pas de sel, vous allez voir. Et vous, Madame Rosa, vous êtes venue avec votre mari, avec vos beaux-frères, voir ce cirque d'hiver de Paris, qui était un lieu mythique et qui déjà, à l'époque, était ancien. Et on vous a dit, ici, il y aura le nom des Buglione. Oui. Là, c'était en 1927. On était venus, moi, mon père et mon fiancé. Et c'était la première fois qu'on venait au cirque d'hiver. On avait été invités par les frères Després. Et à l'entracte, papa a été aux toilettes. Et papa ne savait pas qu'il fallait donner un pourboire. Alors, mon mari s'est disputé avec le monsieur Després. Et alors, mon mari lui dit, si tu veux te disputer, viens, nous allons aller dans la ménagerie. On les attend encore maintenant. Et à la sortie, mon mari me dit, tu vois, il nous a eu, mais nous, on va l'avoir d'une autre façon. Mon mari a été à la caisse, mon fiancé a été à la caisse et il s'est fait rembourser des 3 places. Il dit, tu vois, on les a eu un petit peu quand même. Mais il dit, de toute façon, le cirque d'hiver nous appartiendra. Et voilà, et c'est ce qui s'appelle une vision prophétique, une anecdote qui se passait il y a 90 ans et que nous racontait donc votre grand-mère, Madame Rosa, qui est toujours de ce monde, il faut le dire. Monde qui a fêté ses 106 ans, et oui. 110, qui est en forme. Elle est extraordinaire. Alors, ce cirque d'hiver, d'où vient-il? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le cirque d'hiver, etc.? C'est ce que nous voyons avec vous et avec Pascal Jacob dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est un vrai cadeau que vous faites aux auditeurs d'Europe 1 cet après-midi, Franck Ferrand, puisque vous allez nous faire visiter le cirque d'hiver. Alors pour ceux qui l'ont déjà vu, eh bien ça sera juste un bonheur supplémentaire. Et puis pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un vrai cadeau. Le cirque d'hiver Buglione vous ouvre ses portes cet après-midi avec Pascal Jacob, historien du cirque, et Louis Sampion Buglione. Alors il faut que nous expliquions pourquoi on parle d'un cirque d'hiver. C'est que, comme l'évoquait à l'instant Pascal Jacob, il y avait des cirques d'été également. Louis Sampion Buglione. Tout à fait, il y avait le cirque d'été qui était sur les Champs-Élysées. Et donc Louis de Jean faisait... Bâti par Itorf, oui. L'homme des grands parcs parisiens. Hein. Voilà, qui on doit à la gare du Nord, à la place de la Concorde. Et de Jean, l'hiver, partait en tournée avec sa troupe. Donc c'était beaucoup de contraintes de partir en Allemagne, en Russie. Et il voulait un cirque pour l'hiver. C'était très difficile parce qu'il voulait... Pour la saison, comme on disait à l'époque. Voilà. Mais il voulait dans un quartier populaire, un quartier qui pas aussi éloigné pour l'époque que les Champs-Élysées étaient. Donc avec la pluie du duc de Morny, ils ont trouvé ce terrain qui s'appelait le terrain du Grenadier. Et réussi à avoir l'autorisation de construction signée. C'est Dejean qui était l'entrepreneur. Dejean, le spectacle. Et il réussit. Alors il fait appel bien sûr à Itorf. Il lui dit, construisez-moi un cirque pour 5000 personnes, 200 chevaux. Je sais que c'est impossible, c'est pour ça que je vous le demande. Un peu moins de 11 mois plus tard, le cirque surgit de terre. Et les plus grands vont s'y présenter quelques années après, en 1859. Le trapèze volant est inventé par Léotard. Bien sûr. On a d'ailleurs une très belle lithographie de Léotard dans votre album. Il y a eu de très jolies images qui ont été... Tous ces documents, vous les avez trouvés où? D'ailleurs, ils sont de la Bibliothèque nationale. Ils appartiennent à la Bibliothèque nationale de France. Et ils sont en partie à l'Arsenal? Enfin, il y en a un peu partout, non? Il y en a à la Bibliothèque de l'Opéra, il y en a à la Bibliothèque nationale sur le site Richelieu. Enfin, oui, c'est le département des arts du spectacle. En tout cas, c'est pour le coup, vous parliez de cadeaux à l'instant, Anissa. Ça, c'est un véritable cadeau. C'est magnifique, tout simplement. Alors, en 1934, donc, les Buglione vont investir et s'installer au cirque d'hiver. Il faut dire que depuis plusieurs années, ils font une grande tournée avec Buffalo Bill, alors que Buffalo Bill est mort depuis 15 ans. Expliquez-nous ça, Sampion Buglione. Tous les soirs. Au début des années 20, ils trouvent quelques années avant, Buffalo Bill a fait sa tournée en Europe. Il est parti, il est décédé, et un jour, en allant chez un imprimeur, mon grand-père et ses frères trouvent un lot d'affiches de Buffalo Bill. Tout de suite, ils ont l'idée de remonter Buffalo Bill. Bien sûr, il change le nom. Il était colonel, Cody, ils le mettent capitaine. Ils font la peur des, peut-être d'un procès. Et ils font un grand spectacle sous un grand chapiteau avec la taille de la diligence. Et ça fonctionne. Puisqu'ils avaient les affiches, ça tombe bien. Oui, mais alors après, ils font faire d'autres affiches. D'autres affiches parce qu'ils avaient qu'un petit lot d'affiches au départ. Et ça marche. Et tous les soirs, les gens viennent voir Buffalo Bill qui est mort depuis 10 ans. Ils ont gagné suffisamment d'argent pour l'investir donc dans ce cirque d'hiver qui était à vendre. Les Hamards, à l'époque, voulaient l'acheter aussi. Hein. Oui, alors il y a une histoire là-dessus parce que, alors, il faut savoir qu'au départ, mon grand-père devait acheter quelques éléphants à un cirque en Allemagne. Mmh. Et les Hamards ont passé devant. Ils ont récupéré, les éléphants étaient promis, mais les Hamards ont su, donc ils ont envoyé quelqu'un chercher les éléphants en disant voilà, on arrive pour Bouglione, on vous paie les éléphants et on les récupère. Mon grand-père, quelques temps après, se présentant en Allemagne pour récupérer les éléphants, bien sûr, il apprend qu'ils sont partis, un coup des Hamards. Il dit, c'est pas grave, prochaine fois, petite vengeance. Quelques temps après, le cirque d'hiver est mis en vente aux enchères. Les Hamards sont là pour l'acquisition. Et avant le dernier coup de marteau, mon grand-père se lève, il fait, je rachète tout, je paye les dettes et je garde le personnel. Le marteau tombe et on a récupéré comme ça le cirque d'hiver. Et il se retourne vers un des frères Hamards et lui fait, toi, tu m'aurais pas pris les éléphants, je t'aurais pas pris le cirque d'hiver. Et voilà. Comme quoi, les éléphants nous ont toujours porté bonheur. Mais décidément. Alors, les éléphants, ils sont au cœur de la très grande production La Perle du Bengale, dont des affiches, des costumes, beaucoup de souvenirs figurent aujourd'hui dans votre musée. On ne le visite toujours pas, ce musée ? On peut le visiter. Alors, il faudra aller sur le site internet du cirque d'hiver. Il y a quelques petites visites qui sont organisées avec un conférencier. Ah ben très bien. Donc, parce que vous nous en aviez fait les honneurs pour une émission que nous avions faite sur place, au milieu de ce qui est un véritable conservatoire de merveilles du cirque. Alors, La Perle du Bengale, c'était, on appelait ça à l'époque des pantomimes. Pantomimes, oui, c'était un peu l'ancêtre des comédies musicales de maintenant. Quoi. C'est ça, oui, voilà, exactement. Les gens adoraient, ils ont eu plusieurs. Il y a eu l'Idole de Shanghai, la Reine de la Sierra. Après, ils ont fait donc La Perle du Bengale qu'ils ont repris deux fois. Le Courrier du Texas. C'est ça. Oui, tout à fait. Et puis alors après, un peu comme on fait aujourd'hui avec les comédies musicales, il y a Blanche-Neige, Robin des Bois, etc. C'est-à-dire qu'on s'empare des grands thèmes de la culture universelle pour faire des spectacles, des grands spectacles. Des grands spectacles. Ça devait être difficile de coller des éléphants au milieu de Robin des Bois dans la forêt de Nottingham, de Sherwood. Alors, ce qui est très marrant, c'est que Robin des Bois, ils l'ont fait pendant l'occupation. Et c'était Zavatta qui faisait une partie du spectacle. Et il sautait à la fin de la scène jusqu'à dans la piste en arrivant sur un cheval. Et il avait un drapeau anglais. Et mon grand-père a été convoqué, bien sûr, à la commandanture parce que c'était pas bien vu. Et l'officier allemand lui fait, c'est interdit de mettre un drapeau anglais dans le spectacle. Et mon grand-père, en rigolant, il dit, je mettrai un drapeau la prochaine fois avec la croix. Il pensait à la croix de Lorraine et l'allemand a pensé à la croix gammée. Donc ça s'est terminé comme ça. Sur un malentendu. Enfin, ouais. Ça s'est bien terminé. Mais on a eu très peur. Enfin, mon grand-père m'a dit qu'à l'époque, après, ils ont eu très très peur. Oui, mais il faut dire que, évidemment, ça a été une période très compliquée. Il y aurait une histoire du cirque sous l'occupation à écrire, hein, Pascal Jacob. Ah oui, absolument. Oui. Un moment de... Il y en a des bribes dans les souvenirs de Zavatta, notamment. Il en parle beaucoup. Et Morales en parle. Et donc, oui, il y aurait effectivement une histoire. C'est une histoire un peu dure quand même. Hein. C'est le cirque Busch a occupé les cirques parisiens. C'est pas un moment particulièrement heureux. Non, bien sûr. Alors après la guerre, j'allais dire, on tourne la page. On a ce tournage au Cirque d'hiver de Paris du célèbre film Trapèze. Trapèze. Ça, c'est tout à fait formidable avec Burt Lancaster, Tony Curtis, Gina Lollobrigida. On voit, c'est extraordinaire. Je conseille à nos auditeurs de revoir ce film parce que si vous connaissez un peu le Cirque d'hiver, tout y est. Encore, si je puis dire. Absolument, ça n'a pas bougé, les décors sont là. Et ce qui est très marrant pour nous, c'est que quand on voit toute la famille qui est derrière. Mon père a doublé Tony Curtis en des scènes de trapèze. Oui. Une de mes tantes double Gina Lollobrigida à la corde aérienne. Donc c'est marrant de voir toute la famille Et ce film. Quand on va aujourd'hui au Cirque d'hiver, quand on assiste au spectacle surprise, c'est encore la famille Bouglione qui est là, hein, qui est sur la piste, qui est dans les gradins pour accueillir les gens. Enfin, ça reste une entreprise très familiale, si je peux dire. Complètement, oui, on est tous liés. Alors, évidemment, le cadre du Cirque d'hiver est somptueux, il est traditionnel, on l'a dit, mais il y a aussi des installations très modernes, et notamment, il y a toute une partie aquatique qui ne sert plus aujourd'hui. Alors, il y a la piscine, la piscine qui a été construite en 1933, inaugurée par Mistinguett. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était la mode, on est dans les années folles, c'est la mode des bassins, des jets d'eau, donc des prés, veut sa piscine, il fait construire la piscine, c'est de là après ça marche pas très bien, c'est pour ça qu'il est obligé de vendre le cirque d'hiver et que la famille récupère. Mais la piscine, on s'en est servi, mon grand-père s'en est servi pour justement la perle du Bengale et faire les pantomimes, il faisait même des dompteurs, la fosse au lion, et après elle a plutôt mal vieilli, on s'en est plus servi pendant pas mal de temps. Elle a resservi il y a quelques années. Elle a resservi pour les spectacles de Muriel Hermine en 97 voilà. et 98. Ça vous donne pas des idées d'un cirque aquatique pour une on y pense. Ah bon, ouais, voilà. On y pense. Alors, dans un instant, vous venez de dire un mot de Miss Tinguette. On va parler de Maria Callas, de Marlène Dietrich, de tous ces fantômes qui hantent encore le merveilleux cirque d'hiver de Paris. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes jusqu'à 15h30 au cœur du cirque d'hiver Bouglione dans le 11e arrondissement de Paris. On le visite, ce cirque, avec des grands noms qui y sont passés. Et on en parle avec Louis Sampion Bouglione, oui, qui est votre invité, Franck Ferrand. Parce qu'il faut dire que le cirque d'hiver a été bien sûr le studio, si je puis dire, de la célèbre Piste aux étoiles, présentée par Roger Lanzac, vous savez, pendant tant d'années. Et puis, ça a été aussi le cadre du festival, enfin pas du festival, mais du spectacle annuel de l'Union des artistes. Le Gala de l'Union. Dans ce cadre, alors on peut dire que toutes les célébrités possibles et imaginables sont venues, j'allais dire, faire les clowns sur la piste du cirque d'hiver. Ah, c'est une soirée incroyable. Il faut savoir qu'elle commençait à minuit, une fois que tous les spectacles, tous les théâtres fermaient. Et tout le monde devait être habillé en frac, en smoking. Et tous les plus grands venaient répéter, mais pendant des mois et des mois. Donc le spectacle, c'était le spectacle attendu. Et il y a eu Jerry Lewis, il y a eu Maria Callas qui a été présidente, il y a eu Ingrid Bergman qui a été aussi présidente d'honneur. Il y a eu Jean Gabin. Maria Callas a eu quelques petits soucis avec un éléphant. Oui, mais alors c'est marrant parce qu'on le voit, c'est filmé bien sûr. Et c'est un tout petit éléphanteau dans la piste qui la charge, il rentre dedans et elle tombe sur les fesses. Quoi. C'est très marrant. Et ce qui est très marrant avec la Callas, quand elle venait tous les jours pour les répétitions, elle était à cœur, et elle était dans la loge pour se changer, et comme il y avait beaucoup de techniciens, il y avait beaucoup de monteurs pour les répétitions et tout ça, il y avait une cantine, et quand elle arrivait, Maria Callas, elle était voir Dominique Perrin qui s'occupait du gala, et mon père, en lui disant, je veux manger comme tout le monde, je veux le manger de la cantine. Dominique Perrin, mon père, on n'est pas trop lui donner le manger de la cantine, qui est pas si terrible que ça. Donc ils ont été dans le meilleur traiteur de Paris, ils allaient lui chercher à manger tous les jours et lui mettaient dans sa loge. Alors forcément, des homards et tout ça. Et le dernier jour à l'arrivée, voir mon père, il dit « Elle est très bien votre cantine, il faut la garder. » Ça aurait coûté une jambe, mais bon. Merci beaucoup, Sampion Bouglione, de nous avoir entrouvert les portes de ce cirque d'hiver Bouglione, qui est plus actif que jamais. C'est redevenu un grand cirque et ça fait très plaisir. Je voudrais dire un mot, évidemment, parce que c'est un rendez-vous auquel je suis très fidèle depuis 30 ans maintenant. Un mot du Festival Mondial du Cirque de demain, 38e édition, qui va avoir lieu les 26, 27, 28 et 29 janvier prochain au Cirque Phoenix. Vous en êtes le vice-président, Pascal Jacob. Vous nous préparez une fois de plus de belles surprises, j'imagine. Oui, absolument, absolument. Avec des choses tout à fait inédites, comme des artistes indiens qui vont faire du malakam, un mât en teck de 3 mètres, et puis un collectif cubain aérien, et puis des contorsionnistes au sol absolument extraordinaires qui viennent d'Espagne, un numéro de sangle et la partenaire est tenue par les cheveux, etc., etc. Enfin, c'est vraiment une... Alors, ce sont de très jeunes artistes, il faut très dire. Très jeunes artistes, en dessous de 25 ans. Le règlement veut qu'ils aient moins de 25 ans. Et ils viennent nous présenter souvent ce que le cirque deviendra d'une certaine façon. Ils font preuve d'une imagination dans les mises en scène. Il y a une forme de chorégraphie du cirque depuis quelques années. C'est ça qui est tout à fait fascinant. C'est-à-dire que la contorsion, la manipulation, l'acrobatie sont des formes multimillénaires et que l'on arrive encore à innover, qu'on arrive à inventer, à les renouveler. C'est ça qui est absolument fascinant. Merci beaucoup. Donc ce festival mondial du cirque de demain se tiendra sous le plus grand chapiteau du monde, sous le chapiteau du cirque Phoenix, du 26 au 29 janvier. En même temps d'ailleurs que à Monte-Carlo, sous le chapiteau de Fontvieille, aura lieu le 41e festival international du cirque sous l'égide de la princesse Stéphanie. Alors le spectacle surprise dont je parlais est présenté jusqu'à la fin du mois de mars. Vous pouvez encore le découvrir au cirque d'hiver avant de partir en tournée. Et puis par ailleurs, n'oublions pas le chapiteau et la caravane du cirque Bouglione qui sillonne la France avec le spectacle festif à Mâcon, à Auxerre, au Mans, etc. Le cirque Pinder, quant à lui, nous entendions tout à l'heure Frédéric Edelstein, ce cirque est encore jusqu'à dimanche sur la pelouse de Reuilly, avant de gagner Tours le 10 février, c'est son port d'attache, et puis Poitiers, Toulouse, Montpellier, Marseille, etc. Grande tournée. Le chapiteau traditionnel d'Arlette Grus est à Bordeaux, place des Quinconces. Il faut voir ce spectacle en soi, qui est un cirque sur la place des Quinconces. Donc à partir de ce soir et jusqu'au 5 février, puis ensuite Arlette Grus partira pour La Rochelle notamment. N'oublions pas évidemment le Cirque National Alexis Grus qui présente Quintessence sous son beau chapiteau de la Porte de Passy. Et puis au Cirque Phénix, puisque nous parlions de Phénix, Cirque à Cuba, qui a été présenté cet hiver à Paris, sera en tournée en France. Alors ça commence dès samedi à Lille, avant Lyon, Limoges et d'autres villes. Bref, si vous aimez le cirque, vous aurez bien des occasions de vous émerveiller.